Je ne veux rien avoir avec vous. Je ne veux rien avoir avec vous. Circuler, y'a rien à voir. C'est tout vu, je veux plus vous voir. Je ne veux rien avoir avec vous. Je ne veux rien de voir des gens comme vous. Je ne veux rien de voir des gens comme vous. Devant vous, j'ai le devoir de vous dire tout mon dégoût. Je ne veux rien de voir des gens comme vous. Je ne veux rien valoir pour des gens comme vous. Je ne veux rien valoir pour des gens comme vous. Le désert de vos désirs, vos valeurs me font vomir. Je ne veux rien valoir pour des gens comme vous. Je ne veux rien avoir à voir avec vous. Je ne veux rien avoir à voir avec vous. Circuler, y'a rien à voir. C'est tout vu, je veux plus vous voir. Je ne veux rien avoir à voir avec vous. Je ne veux rien avoir à voir avec vous. Je ne veux rien avoir à voir avec vous. J'ai connu le désespoir à l'idée de ne plus vous voir. Mais ce soir, je vous l'avoue, je m'en fous. Oui, ce soir, je vous l'avoue, je m'en fous. Ouais, ce soir, je vous l'avoue, je m'en fous.